Vous m'en lirez tant, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christian Ingret-Taillard qui vient nous parler de son roman Une île quelque part, publié en auto-édition. Bonjour Christian. Bonjour. Alors vous étiez éducateur spécialisé, désormais vous écrivez à plein temps et surtout vous publiez depuis quelques années. Quel a été le déclic pour vous décider ? Le déclic, je l'ai longtemps cherché à travers un éditeur classique qui, ils n'ont pas voulu m'ouvrir leurs portes, donc je me suis débrouillé pour éditer moi-même. J'ai eu quelques petits éditeurs régionaux au début qui ne me satisfaient pas, donc un jour j'ai fait le grand plongeon et je me suis décidé à devenir auteur-éditeur, comme on peut dire. D'accord. Alors vous êtes un auteur éclectique puisque vous écrivez aussi bien des nouvelles, des romans que des poèmes. Alors quelle est la catégorie qui vous plaît le plus, dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise ? Ah, j'ai toujours une petite tendresse pour la poésie parce que c'est grâce à elle que j'ai mis le pied dedans. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à écrire mes premiers poèmes, comme beaucoup d'adolescents d'ailleurs. Puis pendant une dizaine d'années, ça a été vraiment mon occupation essentielle. J'ai beaucoup écrit. Puis le roman est venu petit à petit, mais c'est un travail de beaucoup plus longue haleine et il faut avoir le temps pour cela. Donc avec une femme qui travaillait, trois enfants à la maison, etc., c'était très difficile. Donc la poésie finalement, c'était quelque chose de plus léger, de moins engageant, qui était plus facile à gérer, quoi. Et voilà. Alors c'est un réel besoin de raconter des histoires ou bien c'est juste par plaisir ? Oui, c'est le plaisir de raconter, de se raconter, d'inventer des univers, de dire des émotions. C'est vraiment quelque chose d'essentiel en moi, j'ai besoin de ça. Je ne suis pas quelqu'un qui parle énormément, je ne suis pas très, très liant d'aspect comme ça. Bon. Et c'est peut-être un moyen que j'ai trouvé pour communiquer tout simplement avec les autres. Voilà. Et c'est que du bonheur d'être lu, même si c'est par quelques dizaines ou quelques centaines de personnes, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'exister tout simplement. Alors parlez-nous de Une île quelque part. Une île quelque part. Bon, l'idée m'est venue en fait, avec un peu la situation actuelle, avec tous ces gens qui arrivent de partout, qui sont perdus sur des radeaux. Et puis un voyage en Bretagne, à Quiberon. On a marché le long de la plage avec des amis. Et puis une île est venue au loin, ça devait être l'île de Saint, je crois. Et je me suis dit, tiens, s'il se passait une histoire sur une île comme ça, en Bretagne ou ailleurs, ou nulle part, comme je mets sur le titre. Voilà, deux personnes qui seraient là, deux personnes complètement opposées dans leurs idées de l'acceptation de l'autre, etc. Et le roman m'est venu comme ça, à cet endroit-là, en regardant la mer, et tout simplement les vagues, le vent et le climat. D'ailleurs, c'est souvent une récurrence chez moi, c'est que c'est avant tout une image qui me vient au départ, un lieu qui m'inspire, et puis après le roman, il se construit de lui-même dans cet univers-là, quoi. Donc voilà, ce roman, c'était pour parler un petit peu de la tolérance, de l'acceptation de l'autre, de l'étranger, du différent, de la peur qu'on a. Donc en mettant ces deux personnages, j'ai pu aborder les deux aspects, c'est-à-dire celui qui accepte et celui qui refuse, tout en inscrivant ça dans leur propre histoire. Pourquoi ? Pourquoi ils en étaient arrivés à être ce qu'ils étaient, à refuser l'autre ou à l'accepter ? Un petit peu notre itinéraire à tous, en fait, puisque dans notre enfance, dans notre jeunesse, on a forcément eu des moments comme ça où on a eu des rejets des autres ou des grands bonheurs avec les autres et on fait un petit peu notre vie avec ces repères-là, quoi. Alors c'est un roman qui parle de relations humaines, notamment celle de Tristan et Pierre. Ils vivent sur une île déserte depuis 40 ans et pourtant ils ne se connaissent pas vraiment. C'est si difficile de communiquer ? Je crois que c'est très très difficile, à part les choses banales du quotidien, des petites choses qu'on peut se dire, aller plus en profondeur, c'est pas évident. Surtout quand vous connaissez le personnage de Pierre, qui est quelqu'un d'assez bourru, d'assez primaire, qui dit pas ses émotions. Donc quand on donne pas ses émotions aux autres, il n'y a pas de discussion possible. Enfin, je ne pense pas, il faut accepter de se dévoiler pour vraiment communiquer. Et ce personnage de Pierre n'a pas envie de communiquer. Il veut bien partager des moments du quotidien sans plus. Et donc Tristan, il ne peut pas lui non plus se dévoiler si l'autre ne le fait pas, c'est un échange. Oui, oui. Et cet échange n'existe pas même au bout de 40 ans. C'est presque comme un vieux couple, je dirais, qui a vécu ensemble. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça, ils se parlent très peu, mais ils vivent en harmonie apparente pendant 40 ans. Ça doit être un peu triste quand même. Ça doit être un peu triste, oui, bien sûr. Alors vous écrivez, je vous cite, « Comme il semble difficile d'exister uniquement pour soi-même et qu'il faut bien vivre un minimum pour quelqu'un, parfois les deux voisins se rejoignent pour bavarder. Même si les sujets s'éloignent rarement du quotidien, ces discussions leur apportent un peu d'humanité. » Alors, est-ce à dire que l'être humain ne peut pas se passer des autres ? Ah, ça me paraît difficile. Ouais, je crois qu'il faut vivre avec les autres. Parce que vivre pour soi, c'est pas suffisant. Enfin, d'ailleurs, il y a très peu de gens qui vivent entièrement seuls. À part peut-être quelques moines et encore, ils sont dans une communauté, mais... Je crois qu'il y a eu des expériences de gens qui étaient enfermés dans un local où il n'y avait aucune communication avec l'extérieur et ils deviennent fous. Il y a un moment, ils deviennent fous parce qu'il faut, il faut vivre avec les autres, même un minimum. Oui, oui. Mais un maximum, c'est encore mieux. Alors, ils vivent en autarcie, ces deux, donc Pierre et Tristan. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas illusoire ? Sans Jean-Yves qui vient les ravitailler, ils ne pourraient pas survivre. C'est sûr qu'ils ont besoin de Jean-Yves et de la vie du continent, mais le gardien de phare, il a vécu quand même dans son phare pendant 40 ans, presque en autarcie. Bon, on lui apportait sa nourriture, on lui apportait des choses comme ça. Et Pierre, le pêcheur, il vivait de ses poissons, d'un peu d'élevage, de quelques petites choses qu'il commandait sur le continent. Mais je pense qu'il y a moyen de vivre en autarcie à notre époque. Enfin, il y a de plus en plus de gens qui aspirent à ça, d'ailleurs. Justement. Vivre par eux-mêmes, pour eux-mêmes, sans faire de déchets, sans faire trop de... Voilà, un circuit un peu fermé, ça, oui, c'est tendance. Oui, mais en même c'est temps, hein, c'est-à-dire, oui, pour l'alimentation, je veux bien, oui. Mais en même temps, pour tout ce qui est, vêtements, ne serait-ce que des vêtements, que des casseroles, ou je ne sais pas, c'est pas possible, on peut pas tout faire soi-même. Bah, les casseroles, ils les ont peut-être eu au début, ils étaient dans le phare, oui, pour Tristan, et puis bon, il a fallu les venir avec peut-être. Bon, les vêtements, vous savez, il y a des gens qui vivent toute leur vie avec le même blouson, avec les mêmes pulls, avec trois pantalons, et puis c'est fini, quoi, ça suffit. Oui, il n'y a pas besoin d'être à la mode sur une île au fin fond de je ne sais où. Oui, je crois que ça, c'est une vue typiquement féminine, ça. Ah, non, je ne crois pas. C'était une façon de s'exprimer. Je veux dire, à part l'alimentation, je me disais, le reste, on a besoin des autres, de toute façon. Surtout au niveau relationnel, comme vous disiez. Pour le matériel, je pense que on peut se passer beaucoup de choses, finalement. Beaucoup de gens le prouvent maintenant. On arrive à... Oui, mais ouais. Bon, il faut quand même des allumettes pour allumer le feu. Ah, mais bah, il faut quand ça, même... oui. Vous voyez, il faut des briquets. Bah, c'est Jean-Yves qui le ramène. Il n'y a pas de souci. Alors, nous revenons dans quelques instants après Lisa Hannigan qui chante Funeral Suite. Me when I lie. Alors nous sommes toujours en compagnie de Tristan Ingré-Taillard, venu nous parler de son dernier roman, Une île quelque part. Alors Tristan et Pierre vont devoir cohabiter avec des migrants qui échouent sur leur île. Vous faites dire à Samir, un des réfugiés, quand on vous offre la confiance de son oreille, il faut réfléchir à deux fois avant de refuser de saisir cette opportunité. Il y a tant de gens indifférents à la vie des autres. Et Tristan de répondre, pourtant, quel plus beau cadeau que son écoute peut-on offrir à autrui ? Vous pensez que l'on ne s'écoute plus, que nous sommes devenus très égocentrés ? Je pense qu'on s'écoute, mais il y a tellement maintenant de sollicitations, de communications de tous les côtés qu'on ne s'écoute plus vraiment. Ça reste superficiel. On reste peut-être au niveau de la première couche des mots, mais on ne va pas au-delà. On entend les choses, mais est-ce qu'on les comprend et est-ce que vraiment on va plus loin qu'écouter simplement ? Je pense que c'est ça, écouter, c'est vraiment être proche de quelqu'un et essayer de se rapprocher par les mots qu'il dit. Et ça, c'est de plus en plus difficile. On est vraiment abreuvé beaucoup de messages de tous les côtés, et qu'ils soient écrits ou verbaux, ça reste succinct, à mon avis. Mais même des fois sur les réseaux sociaux, est-ce que les gens s'écoutent vraiment ? Est-ce que c'est pas plutôt pour paraître eux-mêmes ? Notamment sur les réseaux sociaux, vous touchez du doigt le problème. C'est pour parler eux-mêmes, c'est leur journal intime qu'ils mettent aux yeux de tout le monde. C'est leur preuve d'existence. J'existe, je mets des phrases sur le truc et sur la toile et tout le monde les voit. Voilà, j'existe. Et il n'y a pas du tout la réponse qu'on leur fait. Bon, elle compte, mais c'est accessoire souvent. Oui. Ça veut dire juste que quelqu'un au moins l'a lu. Voilà. Des fois, oui, c'est ça. Oui, j'existe pour quelqu'un. Oui. Ça aussi, c'est fort. Oui. Ouais. Alors, mais avec ces réseaux sociaux, justement, il manque la vraie rencontre, les yeux dans les yeux. Vous faites dire toujours à Samir, allez-y, pleurez sur mon épaule si cela peut vous faire du bien. Une bonne dose de chaleur humaine est souvent préférable à une pilule bourrée de composants chimiques. Alors, vous pensez que les relations humaines se sont dégradées ? Et c'est dû à quoi ? Oui, c'est sûr que ça s'est dégradé, mais c'est dû à quoi ? À la technologie, probablement, ou à l'isolement des individus avec, on va toujours accuser la télévision qui vous isole dans votre salon, votre voiture qui vous laisse dans votre bulle et qui vous plonge pas dans les transports en commun, enfin, plein de choses, et puis... L'accélération du temps, peut-être, non ? Oui, peut-être beaucoup de choses à faire, solliciter à tous les niveaux, du travail, des loisirs. Et du coup, on n'a plus le temps d'aller vers les autres. On dit, qu'est-ce qu'il y a comme personne qui dit, j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps, je peux pas, voilà. Oui, c'est ça, un. Ça mais a c'est... peut-être toujours été, mais j'ai l'impression que mon grand-père, il m'a jamais dit ça. Quand j'allais en vacances chez lui, chez mes grands-parents, il disait jamais, on n'a pas le temps. Il faisait les choses qu'il avait à faire et il parlait pas du temps là, à ce point-là. Mais est-ce que c'est pas un réflexe des fois? C'est une excuse aussi. Oui. Je me suis surprise à dire j'ai pas le temps, puis après, je dis mais non. On peut le trouver, ouais, bien toujours sûr. Un petit peu, mais. Oui, je pense que c'est une excuse, un prétexte, c'est tout ce qu'on veut. C'est... Ou il y a une fatigue peut-être plus chez les gens aussi. Maintenant, ils sont tellement sollicités que la fatigue leur donne l'impression qu'ils n'auront pas le temps ou qu'ils risquent d'être plus fatigués. Enfin... Alors pourtant, vous avez foi en l'humanité. Vous écrivez « Si l'espèce humaine perdure ainsi depuis des millénaires, ce n'est pas pour rien. Son intelligence et sa solidarité l'ont aidé à s'adapter et à surmonter les pires épreuves imposées par la nature. Pour ces raisons, nous devons la regarder d'un œil bienveillant. Et puis, dans son ensemble, l'homme est bon. Il sait écouter son cœur et donner de l'amour. Et c'est pour moi la plus belle preuve d'optimisme. Vous avez confiance dans l'avenir ? Ben, on est bien obligé, oui, il faut. Ben, sinon, on ne fait pas d'enfants, sinon on se fout une balle dans la tête. Non, je pense que l'avenir, il sera ce qu'il sera. Mais le problème des gens de notre âge, c'est que nous, on compare les époques. Bon, on compare peut-être à une époque qui était plus facile. Et forcément, la nouvelle époque perd au change. On voit bien tout ce qui se passe, les différences qui se sont mises en place, le pouvoir de l'argent, les problèmes d'attentats, enfin, toutes ces histoires de religion ou de je ne sais quoi, politique peut-être. On est dans un autre monde, mais il ne faut pas comparer les mondes. Il ne faut pas dire qu'avant c'était mieux et puis qu'on va vers l'enfer, non. L'avenir sera ce qui sera. Les jeunes, ils arrivent au monde avec des yeux tout neufs. Et c'est eux qui construisent ce monde. Donc ils vont vraisemblablement le faire comme ils veulent le faire. Il va être à leur goût. Voilà. Il ne faut pas penser que ce sera le chaos, parce que là, c'est... Même si beaucoup le pensent. Oui, c'est ça. En même temps, quand on voit ce qui se passe un peu autour, que ce soit... Ouais, parce qu'on nous montre que le chaos, mais il y a plein de jeunes qui font plein de belles choses et on n'en parle pas. Il y a des gens qui sont pas amoureux de l'argent, qui sacrifient pas tout pour leur métier, pour gagner du pognon, et ceux-là, on n'en parle pas. C'est des gens qui ont des idéaux et il faut les montrer aussi, tous ces gens-là. Bien sûr. Alors, vous parlez bien évidemment des difficultés que l'on a d'accepter les autres, surtout les étrangers, mais vous parlez aussi de la façon dont on enseignait l'histoire. Il y a une belle petite diatribe. Alors, vous pensez que cette façon d'enseigner l'histoire participe au rejet des étrangers ? Oui, bah, il y a toujours la fameuse période colonialiste de la France qui a quand même montré l'Afrique sous un œil presque bestial. Quoi. C'était des animaux pour eux, inférieurs, qu'il fallait exploiter. Bon, c'était une époque, on peut pas juger l'époque colonialiste, c'était le présent d'alors, tout le monde raisonnait comme ça, il n'y avait pas de... Mais maintenant qu'on a du recul, je pense que... Voilà, faut regarder ça autrement, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, enfin, c'est ce qu'on commence à faire. Mais en même temps, comment dire, c'était une façon de... On dit toujours que les Français sont arrogants, mais la façon dont on enseignait les Lumières, etc. Oui, exact, ouais. Oui, c'est ce que je dis dans le livre, que la France, c'était quand même... On nous mettait tout en haut sur la première marche du podium. Quoi. C'était le plus grand pays du monde, le plus beau pays du monde. On était partout dans le monde et on insistait bien là-dessus. On nous a jamais ouvert sur les autres pays, sur l'histoire de tous les autres pays. Enfin, moi, j'ai pas souvenir. En primaire, ça a commencé un petit peu au collège et au lycée, bien sûr, mais petit quand même, on nous a bien assommés avec toute la grandeur de la France. Remarquez, c'était du patriotisme exacerbé même. Remarquez, en ce moment encore, on s'entend encore parler maintenant. Le pays des Lumières. Il est loin, le pays des Lumières. On vit beaucoup là-dessus, hein. C'est sûr qu'on s'est bien... on a bien perdu là quand même depuis, mais... On fait bien le service après-vente. Oui, on essaye. On se raccroche à ce qu'on peut, il faut dire. On n'a plus grand-chose, donc... Alors, avant d'aborder notre question, parce que je ne sais pas si on aura tout à fait le temps, vous écrivez des poèmes. Ah oui, vous bien pouvez sûr. Nous en lire un. Oh bah oui, je vais choisir un assez court. Alors, ça s'appelle « Tout à l'envers ». Ça a été écrit le 18 février 1986, donc ça date déjà. Réciter des poèmes à la Bourse de Paris et parler de millions en pleine Amazonie. Chanter des chants paillards dans un confessionnal et l'Ave Maria dans un temple au Népal. Réclamer au patron 60 heures par semaine, la retraite à 35 ans, puis bosser à la chaîne sur une plage en Provence et partir dans les mines pour passer ses vacances. Déguster les ordures qui remplissent nos poubelles et jeter le caviar et foie gras de Noël. Faire l'amour aux amis et la bise à sa femme. Et enfin dire je t'aime à son père, à sa mère, avant d'être obligé de leur dire en prière. Voilà. Oui. C'est vrai, c'est très beau, un peu triste, un peu. Toujours triste. Ma poésie est très souvent triste. Il y a pas beaucoup d'eau amère, je dirais un peu comme ça. Une mélancolie toujours, qui est en moi et puis qui me quittera pas, je pense pas. Et puis j'ai pas envie qu'elle me quitte parce que ça me permet de voir le monde avec un regard bien pointu quand même. Alors donc dans votre roman, toujours une île quelque part, vous abordez les travers et les qualités de la société actuelle. Alors, quel est le travers de la société que vous détestez le plus ? Le travers de la société, c'est la soif de pouvoir de certaines personnes. Ça m'horripile. Au détriment de tous les autres, il y a des gens qui sont prêts à écraser tout le monde pour arriver en haut. Et l'injustice aussi, tous ces gens qui croulent sous l'argent et ces autres qui n'ont rien. Enfin, c'est... On a encore vu un reportage l'autre jour sur une île, il y a des villas, mais ils parlent de milliards. C'est des villas énormes avec des piscines de 100 mètres de long. Et puis d'un autre côté, il y a des gens qui n'ont même pas une douche. Enfin, c'est des choses, je ne comprends pas qu'on puisse... C'est même pas de la jalousie par rapport à ces gens-là, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est la balance qui est trop lourde d'un côté, on n'arrive pas à rééquilibrer ça, c'est... Oui, comment peuvent-ils vivre tranquillement à côté des bidonvilles? Comment, oui, c'est ça surtout. Je pensais à Saint-Martin notamment. Oui, voilà, par exemple. Oui, c'est ça. Comment ils ne sont pas minés par ça, par la vie qu'ils ont, et puis qu'ils osent étaler ça, montrer à tout le monde qu'ils sont dans le luxe, dans le confort. Bon, il y a ceux-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Quoi. Voilà. Puis ces États qui ne changent rien, qui laissent les choses en état, comme on peut dire. Et ça, c'est quand même problématique. Et moi, ça me hérisse toujours. Voilà. Alors, la plus belle qualité que vous reconnaissez à cette société? L'humanité, toujours. Il y a quand même des gens qui sont humains et qui se dévouent corps et âme pour les autres. Et ça, c'est merveilleux. C'est tous ces bénévoles qui aident partout pour ceux qui n'ont rien, tous ces gens qui soignent, voilà, les gens malades qui interviennent partout pour aider. C'est la plus belle qualité. C'est ça qui sauvera le monde, je pense. C'est pas les autres. Hein. C'est pas ceux qui sont sur leur île là, avec leur vie là. Économiquement peut-être, mais pas humainement. Ouais. Alors tous vos romans abordent un fait de société comme ça, une... Il y a toujours beaucoup d'humanité derrière. C'est toujours des personnages un petit peu meurtris, un petit peu blessés par cette société qui partent dans une histoire au milieu de cette société. Voilà. Ouais. Alors j'ai vu que vous écriviez aussi pour les enfants. Vous adoptez les mêmes thèmes aussi pour les enfants? Avec les enfants, c'est surtout pour leur ouvrir les yeux justement sur ce monde. C'est dommage, j'en ai pas amené, j'aurais lu un poème rapide. C'est pour leur ouvrir les yeux sur la pollution, sur la tolérance, sur plein de choses. C'est des petits poèmes qui leur ouvrent les yeux simplement de manière assez claire. Quoi. Avec une petite morale, puis des mots qui chantent, donc comme ça c'est agréable. Alors, vous dites aussi qu'aucun choix n'est irrémédiable. On peut toujours changer, c'est sûr, oui. Mais après, c'est vrai qu'on est souvent pris dans le rythme de la vie et c'est souvent difficile de changer une fois qu'on est embarqué dans notre vie d'homme, ou de couple, ou de parents, etc. Mais il n'y a jamais rien d'irrémédiable. On peut toujours dire j'arrête et puis je redémarre à zéro, même si ça sera difficile. Tant qu'on n'est pas mort, il n'y a rien d'irrémédiable. Oui. Qu'il ne faut non plus jamais abandonner les armes au renoncement. Les armes? Ah oui, abandonner les armes au renoncement. Disons que ma carrière d'auteur le prouve un petit peu, parce que j'ai écrit à 15 ans, j'ai écrit un premier roman à 25 ans qui n'a pas été publié. J'ai continué à travailler pendant 30 ans, mais j'avais toujours ce rêve en moi. Je me dis, un jour, il faudra que j'écrive, il faudra que je fasse un livre, que j'ai publié mes poèmes. Et puis j'arrive à 60 ans passés, 64 même. Et j'ai écrit 20 livres, donc si j'avais renoncé, j'aurais jamais fait ça. Mmh. Et voilà, je me dis, c'est pour ça qu'il ne faut pas renoncer. Si on a un rêve en soi, il faut vraiment s'y accrocher. C'est essentiel parce que ce rêve, c'est certainement notre identité, c'est ce qu'on est. Oui. Et si on ne s'y accroche pas, finalement, on n'est rien. Enfin, on n'a pas vécu ce qu'on voulait vivre. Et c'est des regrets au dernier moment. Et c'est un gros gaspillage. Donc, oui, c'est sûr. Mais en même temps, ne pas renoncer, c'est tout. Ne pas renoncer, mais pour les jeunes, ça veut dire aussi que même si ça ne se réalise pas tout de suite, exactement. Je veux dire, on peut s'accrocher et on y arrive à un moment ou à un autre. Oui. Si on est vraiment... C'est ça, faut y croire. Et puis, faut pas mettre la barre trop non plus. Faut pas dire, oui, voilà, je vais être best-seller, machin. Non, faut mettre son rêve à un niveau accessible. Il faut pas voilà, rêver de passer... dans une émission à la télé, machin, truc fait. C'est pas ça le but. C'est déjà arriver à être soi, c'est déjà une belle réussite. Mm-hmm. Et donc, il faut pas renoncer à être soi. C'est tout. Ouais. Se prouver à soi-même, simplement, des fois. Tout simplement. Ouais. Qu'on valait ce qu'on pensait qu'on valait. Alors, où peut-on trouver vos livres, bien sûr, parce que ça me paraît important. Il y a eu quelques libraires qui les ont eus sur Nancy, et puis bon, bah, comme au bout de quelques mois, ils ne les ont pas vendus, souvent ils demandent à ce qu'on vienne les rechercher. Donc le meilleur moyen, c'est encore mon site, c'est www.ingret-taillard.fr.cr. Sinon, 06 66 42 91 46, c'est mon vieux portable. Alors vous sinon, je suis dans tous les salons en Lorraine. Je suis à Auchan le 18 novembre, à Sapinière, à Laxou, et puis plein d'autres endroits comme ça. Il suffit de suivre sur mon site l'actualité pour savoir. Alors, vous avez déjà un autre roman en cours ? Bah là, j'ai un petit problème d'œil, donc c'est pas simple. Donc, je travaille essentiellement sur la poésie, là, puisque c'est plus. Je peux travailler par courte période à cause de cette rétine qui se décolle. Mais il y a déjà un roman qui est en route, mais je ne sais pas s'il sortira pour l'année prochaine. Donc, ça va être un peu difficile. D'accord. Voilà. Mais... Et donc, quand vous écrivez un roman, vous avez déjà tout en tête ou vous vous laissez porter? Non, j'ai l'idée de base. J'ai souvent le lieu, comme je disais, un petit peu la trame de l'histoire. Voilà. Et puis, après, les personnages, c'est eux qui influent aussi sur l'histoire. La consistance des personnages, je leur donne... Je découvre ce qu'ils sont petit à petit. Par exemple, Samir, il a pris du volume au fil du roman. Au début, je ne comptais pas lui donner autant de volume, mais il est devenu quelque chose de fort dans l'histoire. Mm-hmm. Ils prennent corps et finalement, c'est eux qui m'entraînent presque là où ils veulent aller. C'est ça qui est magique. Oui, mais ça me surprend toujours. Ouais. C'est vrai qu'un auteur maîtrise rarement son roman. On a une idée de la fin, bien sûr, on a le début, mais tout le reste au milieu, ça peut partir là. Des fois, ils partent d'un côté, puis on les ramène, on dit non, tu reviens par là. C'est assez fou, quoi, mais c'est ça, c'est exactement ça. Alors, je vous ai vu au livre sur la place, bien sûr. Oui. Vous aimez rencontrer le public ? Ah oui, c'est génial, ouais, oui. Ah oui, de voir des gens qui s'arrêtent devant vous et puis qui vous parlent du livre d'avant, qu'ils ont aimé, ou pas, qui donnent un retour sur ce que vous avez fait. Bon, c'est plus agréable quand ils disent qu'ils ont beaucoup aimé. Yes. Et oui, non, c'est vraiment un grand moment, ça. Et il n'y en a pas assez, forcément, parce que, bon, dans les salons, il n'y a plus beaucoup de monde qui vient dans les salons littéraires. Bon, à Nancy, c'est l'exception, bien sûr, parce que c'est un grand salon. Mais les petits salons locaux, ça devient très difficile. Dans les grandes surfaces aussi, il y a des belles rencontres, des fois, des gens qui sont vraiment surpris de me trouver là, dans des petits matchs, les petits supermarchés matchs. Des fois, je vais là et... Oh, un écrivain dans un supermarché match. Et du coup, ça fait un lien très très fort. Et souvent, je fais des très très belles rencontres dans ces petits supermarchés, sans faire de pub, bien sûr. Non, bien sûr. Mais les gens, des fois, n'osent peut-être pas vous aborder, non ? Il y en a qui ont encore une vision de l'auteur comme quelqu'un d'un peu cultivé. On ne va pas réussir à suivre sa conversation. Il y a des gens qui ont ce complexe-là, mais de moins en moins. Je vais faire des fautes de grammaire en parlant. Oui, on en fait nous-mêmes. Donc non, c'est pas ça. Il ouais, ne faut pas qu'il soit comme ça. L'échange est toujours enrichissant. Enfin, pour nous, pour moi, c'est vital. Il y a même des histoires qui me viennent de gens que j'ai rencontrés et qui ont nourri certains de mes personnages. C'est ça. C'est formidable. Voilà. Alors, merci à Christian Ingret-Taillard d'être venu nous présenter son roman Une île quelque part. C'est moi qui vous remercie. En auto-édition. Alors, au revoir à tous et à bientôt.